sur l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une nouvelle émission d'Autour de vous dans les studios de RGM. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Jacquemin. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? André Jacquemin, 70 ans maintenant, je suis originaire d'Éloi. Je mourrai à Éloi, j'ai fait une petite infidélité pour mes études. En l'occurrence aujourd'hui, depuis 8 ans, je suis maire de la commune, mais élu municipal depuis 1989. Et j'ai eu le plaisir d'être nommé pour reprendre l'association du Maquis du Haut-du-Bois il y a 2 ans maintenant. Et du coup, c'est quoi l'association du Haut-du-Bois ? Alors l'association, c'est plusieurs communes qui se sont associées. Alors il y a pas mal d'années, il n'y avait que les communes qui représentaient les 10 maquisards qui sont morts sur site. L'amicale précédente n'a pas souhaité nous passer la main, donc nous avons recréé une nouvelle association en 2021. Et depuis, nous sommes à 23 communes. Ah oui. Et une bonne soixantaine d'adhérents individuels. On a souhaité y associer non pas que la mémoire des 10 morts sur place, mais de tous ceux qui étaient au Maquis du Haut-du-Bois, qui ont été pris en périphérie. Malheureusement pour certains, fusillés, déportés, non retrouvés. Et également les 7 compagnons du Maquis qui sont morts à Ménafin, donc sur la commune de Saint-Étienne. Oui, parce qu'on dit toujours il y a eu tant de morts, mais sans compter les disparus. Donc on ne sait jamais, les chiffres sont assez aléatoires finalement. Les chiffres sont difficiles, même si il y a eu des études de fait. Derrière la déportation, on n'a pas toujours le résultat escompté. Dans quel but elle a été fondée l'association ? C'est de faire perdurer la mémoire de ces gens-là qui se sont... Alors, en particulier ces 10-là et les autres qui se sont sacrifiés pour que la France puisse rester la France. Et quand je dis sacrifiés, c'est vraiment sacrifiés. Si on prend l'exemple du Maquis, quand vous avez 2 compagnies de SS qui arrivent en face de vous, vous savez très bien quelle sera l'issue. Mais 2 compagnies, il y avait beaucoup de gens, je suppose, beaucoup de soldats, beaucoup d'officiers. Il y avait plus de 300 soldats allemands. Ah oui. Oui. Alors c'est vrai que le Maquis a compté jusqu'à 200 personnes sur place, mais là ce sont 10 volontaires qui se sont dévoués pour que les autres puissent s'échapper dans le massif du Fossard, qui est très très vaste et qui a permis pas mal de sorties. Et c'est où le massif du Fossard ? Le massif du Fossard, c'est la grande forêt qui se situe entre Saint-Étienne et Éloi. C'est quelques milliers d'hectares. C'est vers où du coup ? Vous prenez... Alors, sans faire de publicité, si vous prenez de l'auberge Saint-Romary pour venir jusque la limite entre Éloi et Tendon, tout ce massif-là n'est qu'une une seule et même forêt, le massif du Fossard. D'accord. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec une personne qui a agi dans le Maquis ou pas ? Indirectement. D'accord. Indirectement, ça a fait partie aussi. J'avais le plaisir d'avoir mes grands-parents, mes oncles et tantes qui tenaient une ferme dans le massif du Fossard. Donc... J'ai eu beaucoup d'informations, de confirmations de leur part, de tout ce qui a pu se passer. Mais c'est pas la seule chose. Mon papa m'a inculqué depuis ma tendre jeunesse à honorer ces gens-là et on allait sur place régulièrement. Et du coup, est-ce qu'il y avait des maquisards qui venaient de voir vos grands-parents ou pas pour les aider ? Ah ben bien sûr, puisque sur Wikipédia, je me suis permis de leur demander de faire une correction, puisqu'il était écrit en toutes lettres que ce sont les collaborateurs qui alimentaient le Maquis. Je peux vous dire, pour les avoir bien connus, et ça a été confirmé, que mes oncles et tantes n'étaient tout sauf des collaborateurs. Après, Wikipédia, c'est peut-être pas la source la plus fiable, parce que le souci, c'est que tout le monde peut mettre ce qu'il veut. C'est un peu trop accessible, c'est ça le problème. C'est ce qu'on m'a répondu, mais je tenais à ce que ça soit à titre personnel, puisque mes oncles et tantes sont disparus, bien sûr, mais à titre personnel et familial, je tenais à ce que ça soit rectifié. Oui, surtout que c'est absolument pas la même chose, parce que les collaborateurs, à savoir que c'était les personnes qui dénonçaient les résistants, les personnes opposées au régime de Vichy, oui. Aux Allemands, à l'Allemagne nazie. Donc c'était une période très compliquée de l'histoire, j'en parlerai peut-être dans une autre émission. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre les rênes de l'association, Monsieur Jacquemin ? C'est des liens d'amitié qui se sont créés avec les derniers maquisards, surtout avec le dernier, Monsieur Vital Bonato, qui habitait à Arches, qui a vu que j'avais beaucoup d'informations réelles sur le maquis et ce qui s'est passé. On a sympathisé et il m'a confié, avant de décéder, pas mal de documents sur l'histoire du maquis. Il devait y en avoir beaucoup, du coup. Oui, ça commence à être conséquent. Est-ce qu'il y a du s'en passer, des choses hein. Parce que le maquis, c'est à partir de 1944, je crois. Février 1944, la création, par deux jeunes gens des lois qui refusaient l'intégration dans le travail obligatoire. C'est pour ça qu'au départ, le maquis, c'était pas le haut du bois, c'était le maquis des lois. Et il s'est vite appelé maquis du haut du bois, puisque situé sur le haut du bois, commune de Saint-Montaru. Combien de bénévoles et d'adhérents vous avez actuellement ? Alors, en tant qu'adhérent, on a plus de 60 adhérents à titre individuel. Et puis, le cercle des communes qui participent aux commémorations et au financement sont au nombre de 23 aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les communes aux alentours, précédemment, c'était celles qui concernaient les maquisards décédés sur place, Arches, Archette, Jarménil, Remiremont, Éloie, Level d'Ajol. Et est-ce que quelques-uns de vos bénévoles ou adhérents ont des liens avec de parenté ou pas, avec des maquisards ? Ah ben bien sûr, oui. C'est... S'ils sont là, c'est qu'ils ont une connaissance des lieux et qu'ils sont tout à fait dans le principe de continuer à commémorer leur mémoire, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association des maquis du Haut-du-Bois ? C'est des réunions régulières, c'est surtout de l'entretien du site. Puisque le site a été largement modifié, là je ne le prends pas à notre compte, c'est l'amicale précédente qui l'a très bien aménagé. Nous aujourd'hui on a plus l'entretien à y faire, qui est déjà suffisamment conséquent. Donc voilà, on se fait une petite réunion, une petite séance de travail, un petit casse-croûte maquis bien sûr, et voilà. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Daniel Guichard, mon vieux, avant de faire un petit tour en arrière sur une partie de la Seconde Guerre mondiale, afin que vous, auditeurs, vous compreniez de quoi on parle. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin frileux, mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Monsieur Jacquemin. Nous allons vous parler un petit peu de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ? Restez avec nous, vous allez tout de suite le savoir. Petite info pour vous, auditeurs, comme vous le savez, l'Allemagne nazie est arrivée en France en défilant le 14 juin 1940 à Paris. Elle l'a occupée 8 jours plus tard avec la signature de l'armistice jusqu'à une libération progressive qui s'est déroulée entre juin et août 1944. C'est quoi un armistice ? Alors c'est un accord conclu entre des pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la signature d'un traité de paix. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande aux Français de cesser le combat des Allemands. Le 18 juin 40, hein, une date qu'on connaît tous. Tout à fait. Avec un appel lancé par le général de Gaulle, un appel à la résistance sur les ondes de la BBC qui se trouvait à Londres. Beaucoup de résistants agissaient dans la clandestinité pour faire du recueil et de la transmission de renseignements, du sabotage, des voies ferrées, des lignes téléphoniques, etc. Ils étaient aussi chargés d'assassiner des officiers et des soldats allemands et des collaborateurs français. Ils organisaient des filières d'évasion ou des passages de frontières. Ils fabriquaient des faux papiers, éditaient des journaux clandestins. Ils aidaient également les parachutistes alliés. Alors le lien entre la France libre et la résistance intérieure se faisait par le biais d'émissions de radio de la BBC comme Honneur et Patrie et Les Français parlent aux Français qui diffusaient des messages codés. Donc avec ce tout petit résumé, hein, parce que l'histoire est ancrée avec beaucoup de dates clés, du coup je vous propose de me tourner vers vous, Monsieur Jacquemin, qui allez nous expliquer tout ça mieux que moi. Alors c'est quoi le FFI ? Les FFI sont les forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire des jeunes qui ont refusé le service travail obligatoire et qui se sont rassemblés pour harceler les Allemands. Et comme vous l'avez dit, c'est justement, ça passait par tous les niveaux, quelques assassinats, mais surtout des sabotages et de l'information. Qui a bien servi après pour les troupes américaines qui sont arrivées chez nous début septembre et qui ont pu bénéficier de leur appui. À partir de quand les Allemands sont arrivés dans les Vosges ? 1940. Ah, quand ils sont arrivés directement en France, ils ont été dans les Vosges aussi alors. Nous ne sommes pas très loin en tant que frontaliers, donc effectivement, oui, on a été occupés assez rapidement, oui. Je voulais vous parler de l'opération Waldfest, donc qui voulait dire fête de la forêt en allemand. C'est une opération allemande qui s'est passée dans les Vosges pour contrer la résistance française. Il était prévu de déporter tous les hommes en âge de combattre en Allemagne en travailleurs forcés. Elle a été réalisée en 2 étapes entre novembre et septembre 1944 par les unités de la Wehrmacht et l'ISS. La Wehrmacht, c'est pas les aviateurs ? C'est un type de soldat allemand, la D'accord. Wehrmacht. Alors, durant cette opération, 7500 bâtiments ont été détruits. 39 membres des unités de forces spéciales des forces armées britanniques ont été faits prisonniers et exécutés. Près de 1500 Français civils aux combattants sont tués dans les combats ou exécutés. Et près de 14 000 civils sont envoyés en Allemagne comme travailleurs forcés. 3 800 civils sont déportés vers les camps de concentration et les 2/3 y sont morts. C'est dingue ces statistiques. Je pense que ce sont des statistiques départementales. Voilà, mais c'est vraiment. Oui, c'est pas vraiment sur la loi. Vu l'importance des chiffres, oui. Il y a 110 maquisards qui ont été tués, 1400 civils tués ou exécutés, 3762 déportés en camp de concentration et 11 000 civils déportés comme travailleurs forcés. Oui, c'est énorme. Surtout que dans les déportés, il y en a un certain nombre dont personne n'a eu de nouvelles et qui sont perdus corps et âme. Ah, c'est ça le problème, puis oui. S'ils n'avaient pas de famille ou... Complètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'étaient les maquisards ? Les maquisards, c'était une force qui n'était pas militaire, s'entend. C'est pour ça que leur devenir, ils le connaissaient parfaitement, puisque ce n'était pas un corps d'armée, donc ils ne pouvaient pas bénéficier des dispositions particulières à tout soldat fait prisonnier ou arrêté. Mmh. Pour eux, c'était ou déporté ou directement passé par les armes. Je croyais que le maquis, c'était les bois, moi. Alors, en Corse, le maquis corse, effectivement. non, le maquis, c'est un lieu forestier, je dirais. Voilà. Puisque le maquis du Haut-du-Bois est une belle petite clairière en plein milieu du massif. D'accord. C'est quoi l'histoire du maquis du Haut-du-Bois des Lois ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il n'y a rien eu de particulier qui a suscité le fait de se retrouver au maquis du bois. C'était plutôt la facilité et la proximité, puisque, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes des Lois qui l'ont créé. Ils connaissaient parfaitement le secteur. Se sont associés des gens de Tendon, la commune juste à côté, de Xamontaru, donc quelqu'un qui connaissait bien le secteur et qui pouvait aller harceler les convois allemands qui passaient sur les voies et pouvoir venir se cacher à nouveau dans le maquis du Haut-du-Bois. Le petit problème qu'il y a eu, et effectivement il a eu des conséquences lourdes après, c'est que le maquis étant connu, on a eu jusqu'à 200-300 maquisards sur place. Ah oui. Inutile de vous dire que les allées et venues se faisaient repérer facilement. Mmh. Et malheureusement, ça a pu être une des conditions de sa perte. Est-ce que vous connaissez à peu près la moyenne d'âge des maquisards des Lois ou d'ailleurs, à peu près ? Il y en avait énormément sous la trentaine, puisque c'était la population qui était bien ciblée par les Allemands pour les envoyer en pleine force de l'âge dans le travail obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous parler des parachutages d'armes ? Alors les parachutages d'armes, sur le maquis du Haut-du-Bois, il n'y en a eu que deux. Mmh. Il y en a eu un pour armer les maquisards, puisque le nombre étant croissant, tout le monde n'avait pas une arme. Donc voilà, premier parachutage de mémoire, avril-mai 1944. Et un deuxième parachutage qui, lui, a pu provoquer l'attaque allemande, puisqu'il a eu lieu la nuit du 8 au 9 septembre. Et je pense que les Allemands ont pris conscience qu'il se créait quelque chose de très important. Et le 9, en matinée, ils ont encerclé le maquis pour y faire l'attaque, malheureusement. Est-ce que vous savez quand a été libéré Elois ? 23 septembre, par la 36e DVUS américaine, qui est arrivée par Saint-Nabor, qui a bénéficié également de... Alors, ce n'était pas des maquisards, c'était juste des volontaires qui leur ont indiqué un gué dans la Moselle qui permettait de traverser de plein pied pour pouvoir prendre la rive droite. Et c'est par là qu'ils sont arrivés à Élois, et Élois a été libéré le 23 septembre. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de parler des différentes actions de l'association et de votre actualité. On vous laisse avec Johnny Hallyday et Laura Pausini avec Laura Fabian et on se retrouvera juste après sur le 107. Qui démarre, il suffira d'une étincelle ou est-ce qu'il y a

Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Monsieur Jacquemin. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Orange Radio et Radio Line, ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Monsieur Jacquemin, quelles sont les différentes actions de votre association ? La manifestation principale, elle se passe le week-end le plus proche du 9 septembre, date de l'attaque et de nos morts là-haut. On a récemment eu le plaisir de recevoir le collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges, où le prof d'histoire-géo est un féru. Et il nous a demandé de pouvoir participer à une présentation du maquis, de ce qui se faisait. Il avait coupé son groupe en deux et les autres allaient à contre-temps au Kekman, un lieu hautement symbolique aussi de la guerre 39-45. Et puis, avec les écoles, on essaie de mettre en place justement la mémoire. Aux manifestations patriotiques, les écoles sont invitées. On leur fait déposer un petit bouquet de fleurs au monument. C'est bien perçu. Donc maintenant, il faut faire plus pour que nos jeunes gens soient pour nous remplacer quand nous serons partis. Est-ce que vous sensibilisez aussi dans les écoles ? Vous rentrez dans les écoles pour sensibiliser le jeune public ou pas ? Non, pas encore, non. Ça peut être un projet. Ça peut. Ça doit. Est-ce que le fait d'en parler, ça permet de ne pas oublier les personnes qui se sont battues pour libérer la France ? Bien sûr, parce que le maquis, c'est une chose, mais il ne faut pas se fermer uniquement sur ce petit coin vosgien. Il faut voir ce qui s'est passé pendant... Alors, on ne reviendra pas à la guerre 14-18, c'est vrai que c'était tout à fait autre chose. Mais le conflit 39-45 est relativement récent encore, donc il faut évoquer pour inciter à la mémoire. Être vigilant aussi. Aussi, puisque malheureusement, avec ce qui se passe à nos portes aujourd'hui, on a l'impression que, alors je ne dirais pas un dirigeant, un dictateur n'a rien compris des conflits précédents, ou alors il est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Ouais, il est clairement dans sa bulle, c'est ça le problème. Bien sûr. Et ça, c'est très très dévastateur. Bien sûr, mais on comptera aussi en dizaines, centaines, voire millions de morts sur un conflit entre frères. Oui, ils sont limitrophes. C'était un peu comme les Alsaciens qui étaient affiliés aux Allemands, qui étaient contre nous. Ils étaient un peu forcés, je crois. Parce qu'ils avaient été ralliés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus contre nous. Il y a eu beaucoup de déserteurs, je crois. Parce qu'ils ont dit, moi je suis français, je ne suis pas allemand. Tout à fait, mais là, l'histoire n'est pas bien retenue, puisque on en parlait précédemment. Au dernier conflit, malgré nous, Alsaciens, qui ont été... pris par le côté allemand, qui se battaient contre leurs frères qui étaient restés chez nous. Et aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens, sauf erreur de ma part, sont des frères. L'histoire n'est pas retenue. Par tout le monde, tout au moins. Ah, c'est ça qui est dommage. Donc, si M. Poutine est disposé, on veut bien l'accueillir au maquis et lui rappeler ce qui s'est passé. Non, vaut mieux pas, parce que je ne pense pas qu'il comprendrait. On va laisser nos Vosges dans un bel état, avec les beaux paysages, tout ça. Quelle est la meilleure manière, selon vous, pour ne pas oublier les maquisards du Haut-du-Bois, ou même ailleurs, finalement ? La meilleure, c'est que ça puisse rester, que la mémoire puisse rester active, c'est-à-dire que, je vous parlais de nos bénévoles, de nos adhérents et tout, il y a matière à faire, puisqu'on a relativement rajeuni les cadres, ça devrait permettre d'avoir un effet qui se poursuit. Donc il devrait y avoir quelqu'un qui devrait passer le flambeau, c'est ça ? Si jamais vous passez le flambeau. C'est ça, même si ce ne sont pas les Jeux Olympiques où il y a le flambeau. Là, effectivement, oui, il faudra quelqu'un, comme je l'ai fait un peu au pied levé, mais avec beaucoup de bonne volonté, prendre la succession. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous faisiez parfois des cérémonies de commémoration. Comment ça se passe ? Tous les événements patriotiques, l'appel du général de Gaulle, le 14 juillet, le 11 novembre, le 39-45. Il y a une manifestation systématique qui se fait au Monument aux Morts, qui a été déplacée d'ailleurs il y a 5 ou 6 ans, puisqu'on refaisait la place centrale. Il a été mis sur une autre place à côté avec un fond. D'un côté, la guerre 39-45 et de l'autre côté, la guerre 14-18, fait par Airplay de Remiremont. Superbe fresque. Ah oui, je vous sais. Voilà. Les jeunes, alors, où lisent le message du ministre ? C'est vrai que quand on a les écoles primaires, il vaut mieux avoir CM1, CM2. C'est, c'est plus audible. Et on leur fait déposer un bouquet en leur expliquant, après, cours du petit pot de l'amitié qui se passe régulièrement, on leur explique le pourquoi. Mm-hmm. Parce que je vous avoue franchement que quelquefois, on se gratte la tête de la méconnaissance. Ah, c'est ça, le problème avec la folie, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Mais pour ça, comme pour le reste, mm-hmm. on compte aussi sur les enfants pour booster les parents et avoir peut-être un peu plus de monde aux manifestations parce que bah, les combattants, les anciens, malheureusement, disparaissent au fur et à mesure. Et là, quand on a 6 ou 8 porte-drapeaux aux monuments, c'est vraiment le maximum quoi, des associations qui disparaissent. Du coup, le jeune public, il est là pour faire perdurer la mémoire des disparus. Tout à fait. Mm-hmm. C'est notre but. J'avais vu une dame qui était venue témoigner quand j'étais en milieu scolaire, qui était revenue des camps. Elle avait raconté toute l'horreur qu'elle avait vécue, mais elle m'a dit « Mais là, ce que je vous raconte, c'est même pas la moitié de ce que j'ai vécu là-bas. » Il y a des rescapés des camps de concentration, ils appelaient ça des camps de travail au départ, oui. qui sont revenus et ils ont vu des choses inimaginables, comme l'humain est capable des pires cruautés. On a encore notre école maternelle à Éloy qui s'appelle Fanny Salmon. C'est une dame qui a été déportée, qui n'est pas revenue. Donc c'est en sa mémoire qu'il y a un bâtiment qui a été érigé. Est-ce que vous faites des cérémonies de commémoration avec d'autres villes en partenariat ou qui vous aident ? Systématiquement, la cérémonie de Noirgueux qui se fait avec la ville de Saint-Labor, Ménafin qui se fait avec la ville de Saint-Étienne, et puis autrement, bah, toutes les commémorations qui peuvent y être, la ville d'Éloy est par exemple adhérente et parraine une tombe au cimetière américain du Quéquemont. C'est une visite aussi qui vous prend aux tripes, si je peux me permettre. Mm-hmm. Quand on voit les alignements de tombes, et voilà, c'est tous des petits gars US qui sont venus mourir pour nous. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour préparer des événements comme une commémoration ou d'autres événements d'ailleurs ? La cérémonie du Haut du Bois nous prend une grosse quinzaine de jours où malheureusement je laisse mes fonctions de maire de côté et on ne s'occupe que de ça. Justement, ça ne doit pas être facile de s'occuper de votre travail de maire, plus de président de l'association. Ça doit demander pas mal de temps. Ça prend du temps sur le reste. Mm-hmm. Oui, effectivement. Mm-hmm. Mais ça, c'était un engagement que j'avais pris, que moi vivant, le maquis ne s'arrêterait pas. Et je souhaite qu'il y ait des successeurs et il y en aura, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ? Tous les bénévoles sont les bienvenus, que, comme je vous disais. Hein, aujourd'hui, il y a plus de l'entretien, du réaménagement, de l'élagage, de la tonte, de la peinture pour la manifestation. On a la chance qu'aujourd'hui, puisque précédemment, c'était plus la municipalité d'Éloy qui était associée au maquis et qui faisait toute l'intendance avec les services techniques. Aujourd'hui, depuis la nouvelle association, toutes les communes mettent à disposition à minima une journée un agent technique qui vient faire l'entretien avec nous. Et là, c'est super. Est-ce que vous organisez des visites au maquis ou pas, monsieur le maire ? À la demande. Et est-ce qu'il faut réserver ou un certain nombre de personnes ? Parce que ça ne doit pas être facile de gérer 10, 20 personnes. Pas du tout. On a même eu l'occasion à une journée de travail de rencontrer un couple qui était là. On leur a consacré la demi-heure facile pour leur expliquer ce qui s'était passé. Parce que bon, c'était des gens de la Manche, je crois. Oui, ils n'avaient pas connaissance, ils avaient connaissance de la guerre, mais pas des événements spécifiques locaux. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ces prochains mois avec l'association ? Il y aura l'Assemblée Générale qui va se passer normalement au mois de mars. Et là, bah, des dispositions seront prises pour les manifestations de l'année où nos deux petits jeunes porte-drapeaux, puisque quand je parle de succession, là, on a la chance d'avoir des jeunes qui ont entre 17 et 19 ans, qui ont pris le drapeau du maquis du Haut-du-Bois, donc aller assister aux manifestations aux alentours. Vous me disiez hors antenne que vous allez bientôt fabriquer une page Facebook consacrée à l'association. Oui, c'est dans les prévisions. Si on veut être un peu plus connu, le bouche à oreille c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc il y aura une page qui va y être consacrée et on aura des éléments peut-être plus fiables dans cette page-là que sur Wikipédia. Oui, c'est vrai. J'espère surtout que via cette émission aussi, ça vous donnera aussi plus de visibilité aux alentours, pas qu'à Éloy. Complètement. Complètement, mais comme je disais, hein, 23 communes autour des lois Xamontaru, puisque le site est Xamontaru, ça fait déjà du bouche à oreille qui se répand, puisque quand on a repris l'association, il devait y avoir 18 adhérents autres que les communes, pour être à une 60aine maintenant. Ah oui. Et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. Ah, ça c'est bien ça, il faudrait que ça commence, ça continue. Pour une cotisation modique de 10 euros par an, je crois qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association, monsieur le maire ? Longue vie à l'association, bien évidemment. Mmh. À titre perso, ben, je ferai le temps que je pourrai. Certains événements feront peut-être que, voilà, il faudra passer la main, mais c'est une autre affaire. Mais comme je vous dis, je n'ai plus de doute sur la continuité de l'association à laquelle je continuerai à participer sous quelque forme que ce soit. Alors cette émission est maintenant terminée. Monsieur Jacquemois, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. On reviendra vous voir et merci pour le visuel que vous allez faire de l'association du Maquis du Haut-du-Bois. Je trouvais que c'était intéressant et surtout important d'en parler, qu'il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé. Merci à vous. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.